Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit. Les amitiés en révolution. Comme cul et chemise, l'expression est à la fois populaire, familière et très imagée. Dans leur bouquet des expressions imagées, Claude Duneton et Sylvie Claval notent qu'elle est ancienne. Elle est déjà présente chez Houdin en 1640 pour décrire une amitié proche. Ce n'est qu'un cul et une chemise. Autrement dit, ils sont toujours ensemble et puis c'est devenu cul et chemise. Quelle forme particulière prend l'amitié sous la Révolution française? De quoi est-elle l'héritière et quelle nouvelle amitié annonce-t-elle? Aujourd'hui, nous sommes vraiment sans culottes, mais cul et chemise. Il y a une femme à l'origine de toutes les grandes choses. Ne soyez pas surpris, amis auditeurs et auditrices, si aujourd'hui c'est une voix masculine qui vous parle au nom de la Fédération française du droit humain. Arrêtons-nous. Nous sommes ici dans un lieu historique, un de ces lieux où souffle l'esprit. N'oublions pas que c'est le XVIIIe siècle et la Révolution française qui a inventé la fraternité. Plus nous serons nombreux, plus se rapprochera la réalisation de notre objectif de fraternité universelle et de paix entre tous les peuples de la Terre. Jusqu'à la mort. Philippe Bourdin, bonjour. Bonjour. L'amitié jusqu'à la mort, comme Simien, bonjour. Bonjour. Et aujourd'hui, nous sommes également avec Karine Rance. Karine Rance, bonjour. Bonjour. Et à 4, mais avec tous les auditeurs et les auditrices, amis, nous allons réfléchir à cette notion d'amitié en révolution. Il y a quelque chose de particulier pour l'amitié sous la révolution, Philippe Bourdin ? Déjà, il y a quelque chose de commun avec l'amitié qui s'est développée tout au long du XVIIIe siècle. C'est une rencontre, c'est une correspondance entre deux êtres ou davantage, correspondance épistolaire également, c'est le partage d'idées, le partage d'idéaux, le bonheur conjugué, c'est une sociabilité, c'est une entraide, et ce sont peut-être aussi une gestuelle et des propos, un sentiment exprimé, un sentiment qui devient avec la Révolution plus politique qu'il n'a été jamais, avec ces frontières un petit peu floues qui viennent d'être exprimées entre amis. Amitié et fraternité. Avec cet moment majeur qu'est la Révolution française, l'amitié, comme Simien était là, Philippe Bourdin vient de le dire, elle unissait des individus, mais dans le temps particulier de la Révolution, avec la précipitation des événements, ça peut aussi changer les lignes d'amitié. Oui, alors l'amitié effectivement a pu, les amitiés d'avant 1789 ont pu être percutées par la Révolution et de bien des façons. Il y a des amitiés anciennes qui survivent à la Révolution, il y a des amitiés anciennes qui se délitent avec la Révolution. Je crois aussi que la Révolution française, c'est un moment où on parie beaucoup sur l'amitié, c'est-à-dire que la Révolution, elle est inséparable d'une réflexion théorique sur l'amitié comme sentiment capable de lier les individus pour faire cité ensemble. Il y a des héritages à tout ça. Les Lumières avaient déjà réfléchi. On convoque aussi des penseurs de l'Antiquité sur ces questions-là. Mais on parie sur le fait que ce lien entre les individus, l'amitié, est une façon de rassembler et au fond de faire nation, de faire une cité commune. Karine Rance, on peut mettre un peu d'émotion dans cette histoire parce que la Révolution, avec tout ce qui se passe, a une vitesse. La chronologie est très rapide. Et tout est intense. Pour comprendre la Révolution, il faut mettre de l'émotion. Ce qui est frappant avec cette époque révolutionnaire, c'est que la Révolution fait du lien amical un refuge, en même temps un refuge par rapport aux bouleversements politiques, par rapport aux violences. Et dans cet entre-soi, les amis peuvent se livrer à une intimité qui n'est pas forcément autorisée dans l'espace public. Et puis cette amitié-là, celle qui nous intéresse et celle qui unit les révolutionnaires, il est peut-être nécessaire avant tout d'en chercher les origines. Philippe Bourdin, vous êtes professeur d'histoire moderne à l'Université Clermont-Auvergne, membre senior de l'Institut universitaire de France. Et puis, dans ce moment révolutionnaire, faut rappeler combien tous ces gens qui participent à la Révolution ont déjà un vécu. C'est-à-dire que beaucoup arrivent déjà avec des amis, en tout cas une conception de l'amitié. Oui, absolument. On a des exemples multiples de cela, mais la construction, par exemple, du Salon Roland à partir de 1791 en est exemplaire, puisque beaucoup des gens qui en sont membres fréquentent les Rolands bien avant la Révolution. Ce sont des amitiés de rencontre pour Roland, qui est inspecteur des manufactures, des amitiés amitiés de voyage, je pense à l'Antenas par exemple, ou des amitiés de correspondance avec Brissot, avant même de le connaître, il se lie, hein, et la révolution venue, il développe toute une pensée utopique avec l'idée qu'ils peuvent aller fonder une communauté rurale exemplaire dans un endroit isolé du monde. Ce pourrait être les États-Unis, comme l'Auvergne dans leur esprit d'ailleurs, hein. Et cela n'arrivera pas. Cela n'arrivera pas parce que la révolution, dans son flot continu, va les emporter vers d'autres rives, parce que certaines des amitiés vont aussi se déliter à l'heure où le groupe constitué autour des Rolland va personnifier finalement la Gironde et va voir certains de ceux qui le fréquentaient prendre des distances, je pense à Bosque d'Antique. Alors ce qui est intéressant aussi dans cette composition, c'est qu'il y a une ambiguïté. Les amis sont des amis du couple Rolland, de lui et d'elle. Et certains des amis vont tomber amoureux de Madame Rolland, je pense notamment à Buzot, et de ce fait, Madame Rolland ne cache rien à son mari, Buzot va devoir se mettre en retrait du cercle Rolland pendant un temps. Voilà, on a l'exemple là d'une diversification finalement de ce que peut être l'amitié en révolution, sachant qu'elle peut être compromettante, hein, parce que fréquenter les Rolland, c'est aussi être assimilé aux Girondins à l'heure de la lutte contre les factions. Et de ce point de vue-là, on tombe bien dans les travers de l'amitié tels qu'ils avaient été pensés par les anciens, par Aristote dans la politique, par exemple, hein, par Montesquieu dans l'esprit des lois, qui montrait combien une dictature pouvait jouer sur l'amitié pour détruire celle-ci et détruire un groupe. Présentation de Madame Rolland. Il y a une femme à l'origine de toutes les grandes choses. Il en fallait une au principe de la Révolution. On peut dire que la philosophie trouva cette femme dans Madame Rolland. L'historien, entraîné par le mouvement des événements qu'il retrace, doit s'arrêter devant cette sévère et touchante figure, comme les passants s'arrêtèrent pour remarquer ses traits sublimes et sa robe blanche sur le tombereau qui conduisait des milliers de victimes à la mort. Pour la comprendre, il faut la suivre de l'atelier de son père jusqu'à l'échafaud. C'est pour la femme, surtout, que le germe de la vertu est dans le cœur. C'est presque toujours dans la vie privée que repose le secret de la vie publique. Jeune, belle, rayonnante de génie, mariée depuis peu à un homme austère dont les années touchaient à la vieillesse, à peine mère d'un premier enfant, Madame Rolland était née dans cette condition intermédiaire où les familles à peine émancipées par le travail sont, pour ainsi dire, amphibies entre le prolétariat et la bourgeoisie et retiennent dans leurs mœurs les vertus et la simplicité du peuple en participant déjà aux lumières de la société. Madame Rolland, présentée sur France Culture en 1982. Comme Simien, vous êtes maître de conférences en histoire moderne à l'Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Ici, nous sommes dans l'univers des salons. Alors, avant la Révolution, mais aussi pendant, hein, faut rappeler que Madame Rolland est vraiment un personnage important. Alors, son mari l'est aussi. C'est ça aussi, l'amitié, c'est trouver des lieux pour se réunir et discuter, les salons, par exemple. Oui, alors dans le cas des Rolland, effectivement, ça s'apparente à ça. Alors c'est un salon qui ne correspond pas non plus totalement au grand salon aristocratique du siècle des Lumières, ou d'ailleurs pour les salons de l'avant-révolution et ces grands salons que Paris a connus pendant le XVIIIe siècle, les amitiés étaient parfois un peu factices, un peu voilà jouées ou surjouées avec des rivalités, etc. Et d'une certaine façon, ces amitiés mondaines, c'est aussi des types d'amitiés contre lesquelles les révolutionnaires vont s'inscrire en faux et penser aussi une autre amitié plus authentique, espérer en tout cas une amitié plus authentique. Manon Rolland quand même est effectivement au cœur d'un groupe qu'on va appeler les Girondins, qui est un groupe d'amis d'abord et qui va constituer une sorte de noyau dur du groupe des Girondins, on en a parlé à l'instant, mais c'est effectivement un groupe d'amis qui a cette particularité de se retrouver le soir. Alors ça peut être au ministère de la Justice à l'époque où Rolland est ministre, pas au ministère de l'Intérieur, pardon, à l'époque où Rolland est ministre de l'Intérieur. Ça peut être chez les Rolland également par ailleurs. Mais c'est ce qui est intéressant, c'est que ce lieu où ils se retrouvent sous la forme une sorte de salon, c'est évidemment un lieu politique et on en a longtemps fait un lieu de concertation politique de tous les élans girondins et de tous les projets girondins. Mais c'est aussi, et ça permet de bien illustrer ce qu'expliquait Karine Rance à l'instant, c'est aussi un lieu où des amis qui partagent des opinions politiques communes peuvent tout simplement baisser les armes un peu de la politique un instant pour vivre des moments de convivialité tout à fait bénins. Et il y a un exemple qui me vient en tête, évoqué par Anne de Matan dans le livre sur l'amitié en révolution. Madame Roland explique dans ses mémoires qu'un soir, Pétion rentrait de l'Assemblée nationale constituante exténué. Il arrive chez les Roland, où se trouve tout le cercle des amis. Et Pétion est épuisé. Et pendant que les amis mangent, Pétion s'endort littéralement sur le canapé en ronflant après avoir joué avec le chien. Et voilà, l'amitié, c'est aussi ça. C'est un moment où on pose les armes de la politique parce qu'on est dans un entre-soi de confiance quelque part. Et l'amitié en révolution, c'est aussi ça. Madame Roland parlait de l'intime union des homogènes pour parler de l'amitié qui la lie à Brissot et à d'autres. Il y a une communauté d'opinion politique, mais dans ces gens qui sont liés d'amitié et qui sont liés d'opinion politique, il y a aussi une sorte de refuge pour vivre tout simplement cette période. L'amitié en révolution, 1789-1799, de l'histoire à la mémoire, c'est l'ouvrage publié aux presses universitaires de Rennes que vous avez dirigé l'un et l'autre, hein, Philippe Bourdin comme Simien. Cette amitié-là, Philippe Bourdin, elle est nécessaire pour passer l'orage révolutionnaire. On vient d'en avoir un exemple. Là, c'est trouver des gens à qui l'on peut parler franchement. C'est un peu ça l'idée. Bon, après, est-ce que tout est aussi franc que ça? C'est pas sûr. Elle est nécessaire, mais pas suffisante dans le cas du Cécile Roland. Et en l'occurrence, il y a d'autres amitiés qui naissent aussi dans les luttes révolutionnaires. Des amitiés entre représentants en mission, des amitiés au sein des sections des villes principales de France. Et ce sont des amitiés essentielles là aussi pour essayer de construire ensemble à l'échelon local une politique qui n'est pas exclusivement la politique parisienne reproduite ad vitam aeternam partout dans les provinces, mais qui est aussi une identité dans laquelle l'on se reconnaît. Comme si bien. Oui, on a des très bons exemples de ça, c'est-à-dire que la Révolution, elle rencontre évidemment des amitiés qui sont nées d'avant, on les a évoquées, mais elle voit naître des amitiés. Alors, Madame Roland et Brissot en sont un exemple, mais pas que. Et c'est pas que dans les grandes villes ou pas que dans les sections. Je pense notamment au cas des frères Paillon évoqués dans le livre que vous venez de présenter par Nicolas Soulas. C'est fascinant, les frères Paillon sont des amis intimes de Robespierre à partir de 1793. Ils rencontrent littéralement Robespierre à la faveur de la Révolution, parce qu'ils ne l'auraient pas connu sans ça. Eux, ils viennent du Dauphiné et de la Drôme, Robespierre de l'Artois. Et les frères Paillon viennent d'une petite ville, Saint-Paul-Trois-Châteaux, vraiment au sud de l'actuelle Drôme. Et les frères Paillon vont se faire de nouveaux amis à la faveur de la Révolution. Où ça? Eh bien, dans le club jacobin de Saint-Paul-Trois-Châteaux. Petit club dont ils sont parmi les principaux animateurs. Et ce qui est vraiment intéressant et ce qui permet de parler d'amitié au fond révolutionnaire, c'est qu'elle lie ces individus à des gens qui partagent des mêmes idées qu'eux, mais ce sont aussi des individus qui appartiennent à d'autres catégories sociales qu'eux, et des catégories sociales inférieures avec qui, au fond, ils ne discutaient pas, ils ne dialoguaient pas avant la Révolution française. Et en fait, ils se retrouvent dans un lieu commun, la société populaire, le club politique, ils partagent de communs engagements, et de là vont naître des amitiés combattantes, des amitiés militantes, mais certaines vont survivre à la Révolution française en l'occurrence. Il faut souligner combien la notion d'amitié n'est pas particulièrement redéfinie à l'heure de la Révolution. Et pourtant, elle est partout présente, comme vient de parler des sociétés politiques. Et ces sociétés politiques, elles s'appellent les amis de la Constitution, les amis de l'égalité, les amis de la liberté, les amis de la loi, etc. L'amitié est omniprésente en politique désormais. Karine Rance. Les émotions à l'époque révolutionnaire, elles investissent totalement le champ politique, c'est-à-dire que par le lien amical, on se positionne aussi dans l'espace politique et de ce fait, trahir la cause, sa cause, ou la cause à laquelle, dans laquelle on s'était engagé à un moment, c'est aussi trahir des amis. Et ça veut dire que ça implique une transparence également du lien amical et une expressivité exacerbée qui aussi est héritière d'ailleurs du XVIIIe siècle et du sentimentalisme, une expressivité qui va traduire la sincérité de ses sentiments amicaux. Karine Rance, d'ailleurs, j'en profite avec vous pour évoquer ces sources, parce que nous l'avons dit, il y a des amitiés à distance, obligatoirement, hein, comme Robespierre avec les frères Payan. Eux, ils sont loin, lui, il est à Paris bien souvent. Tout cela passe par les correspondances. L'amitié, c'était aussi une amitié à distance. Oui, et en fait, pour l'historien, il y a un biais qui est que l'amitié, elle est essentiellement traduite dans les lettres, lorsqu'elle est exprimée non pas sur le plan théorique, mais vraiment d'un ami à un autre ami. Et ces correspondances sont écrites nécessairement en l'absence de l'autre. Donc il y a un biais ici. Mais en même temps, ces correspondances, elles étaient au XVIIIe siècle une preuve de l'amitié. C'est-à-dire que même si on est proche physiquement de l'autre, on se doit d'écrire pour témoigner de son amitié. Et puis... Allez-y, Karine. Oui, je voulais juste ajouter encore, il est des amitiés aussi qui sont, surtout à l'époque de l'émigration, qui sont nées à distance. Je pensais à celle de Charles de Villiers, et celle de Germaine de Staël, qui ont donc Germaine de Staël qui s'était fait déjà un nom à Copé, et Charles de Villiers, qui était un journaliste, un écrivain en émigration, prend contact, il était en Allemagne, à Hambourg, il prend contact avec elle. Il y a un lien très fort, mais épistolaire, qui se noue entre eux et qui ne résiste pas, finalement, à la rencontre physique qui a lieu dans l'Est de la France, au tout début de l'époque napoléonienne. Et là, ça se passe très très mal entre eux, en fait. Et là, donc, c'est les limites de l'exercice, mais ça met un terme à leur amitié sans pour autant dévaloriser le lien qu'ils ont créé avant cette rencontre. Et bah pour l'historien, l'historienne, c'est vrai que l'amitié dans les cafés, c'est bien pratique, mais enfin bon, voilà, ça laisse pas de traces, alors que la correspondance, ça fait des belles sources. Il vous en coûte, monsieur Rome, d'avouer vos torts à celui qui vous en a fait l'exposé le plus vrai et juste. Il fallait vous frapper la poitrine et dire « J'ai tort, je n'y reviendrai plus. Je le promets à ce pauvre et malheureux Dubreuil, qui m'aime de tout son cœur et que j'aime tout autant. » Deux ou trois de ces mots auraient désarmé ma colère. « Tout est pardonné, mon bon ami Rome. Embrassons-nous du meilleur de notre cœur. Aimons-nous toujours et n'oublions pas que dès l'instant où nous nous sommes connus, nous nous sommes promis l'attachement le plus profond et intact. Dieu veuille me donner le plaisir de vous voir revenir dans votre patrie jouir avec moi des délices et des douceurs de l'amitié. » Daniel Königsberg, dans le cours de l'histoire sur France Culture, qui lisait cette lettre du maître de poste de Riom à Gilbert Rome. Dites-nous, on est en 1787, on est juste avant la Révolution. Philippe Bourdin, déjà, pourquoi une telle amitié entre ces deux hommes? On sent qu'il y a du reproche là-dedans, de la réconciliation en vue. Oui, et cela conforte un peu ce que disait Karine Rance à l'instant. C'est-à-dire que nous sommes là dans le cadre d'une amitié née dans une période de l'adolescence. Gilbert Rome habite donc une ville de l'actuel Puy-de-Dôme, Royon. Il a un cercle d'amis qui vont l'aider dans ses études parisiennes en lui payant une partie de celle-ci. Il leur est redevable à vie de cela, il le sait. Il le dit, et il le dira encore pendant toute la Révolution, et en retour, ses amis lui demandent de lui raconter ce qu'est Paris, de lui raconter ce qu'il découvre de la science et du livre, et de lui raconter ensuite son périple dans toute l'Europe lorsqu'il devient, à la veille de la Révolution, il l'est encore, précepteur du jeune comte russe Stroganov, l'une des plus grandes familles de Russie. Et donc, il y a des exigences dans l'amitié, et ces exigence, en l'occurrence, c'est une correspondance régulière. Il y a aussi des capacités à faire des reproches quand ces devoirs ne sont pas accomplis. Il peut y avoir des fâcheries, il peut y avoir des réconciliations. C'est pour ça que je trouve que cette lettre est intéressante. Des blessures sentimentales, hein, parce que l'on va assez loin dans l'expression du sentiment dans toute cette correspondance qui va de la fin des années 1770 jusqu'en 1791. Ouais, parce qu'ici, nous avons un témoignage d'amitié avec un vocabulaire qui peut nous étonner, hein, ces deux hommes. Mais là, on est dans ce monde comme Simien, qui nous attache à une amitié telle qu'elle était par le passé. J'ai envie de dire, c'est pas tout à fait la même amitié que celle d'aujourd'hui. Hein. Ce moment du XVIIIe siècle, il y a une intensité, au moins dans le vocabulaire, qu'on n'utiliserait pas aujourd'hui. Oui, il y a une espèce d'épanchement sentimental qui est très dans le ton du XVIIIe siècle, qui a vu multiplier les traités sur la nature des sentiments, les traités sur l'amitié, etc. Et l'amitié qui s'exprime, que ce soit dans ces traités théoriques ou que ce soit dans la correspondance du XVIIIe siècle, c'est vraiment une amitié sentimentale qui utilise des grands mots, qui parfois même nous porte jusqu'à la confusion du sentiment amoureux par les termes qui sont choisis. Mais ça, c'est aussi le goût et le vocabulaire d'une époque on en reste pas moins dans le registre de l'amitié, là en l'occurrence néanmoins. Oui, parce que Karine Rance, l'histoire des émotions est une histoire très difficile à écrire. On touche ici sur des choses très subtiles. Le vocabulaire nous aide beaucoup, mais ça ne reflète pas tout. Comment on travaille pour essayer de saisir des émotions, en tout cas des amitiés? Donc la correspondance, beaucoup. On croise le maximum de sources, mais il n'y en a pas tant que ça. Oui, on travaille avec les correspondances. Ce que disait à l'instant comme Simien sur la confusion du sentiment amoureux et amical, on le ressent à l'inverse dans le lien conjugal, puisque si certains amis se parlent en des termes qui sont passionnés parfois, hein, c'est vraiment le vocabulaire de la passion, on a dans les correspondances entre époux une expression du lien conjugal qui relève de l'amitié. Et ça, c'est une tradition depuis le XVIIe siècle, une amitié qui est d'abord spirituelle. Au XVIIIe siècle, c'est plus une connivence intellectuelle. Et puis, à l'époque révolutionnaire, ce lien conjugal, de même que le lien amical, est totalement investi là encore par le politique. Alors comment travailler avec les lettres, essayer de relever à la fois effectivement le vocabulaire, mais aussi la fréquence des visites que se rendent les amis, la préparation de ces retrouvailles, ou l'espérance des retrouvailles d'ailleurs, l'expression du manque. Et puis les cadeaux échangés qu'ils évoquent dans les lettres aussi, donc c'est pas uniquement l'objet matériel de la lettre qui circule, mais c'est aussi des petits cadeaux parfois, tant en tout cas que la circulation est possible, donc pas pendant la circulation des courriers, je veux dire, donc pas pendant la période révolutionnaire, hein. Enfin la période de la terreur surtout. Consimien. Oui, ce qu'il faut ajouter aussi, c'est que si parfois le vocabulaire de l'amitié semble dériver vers celui de l'amour, on fait la distinction. Et les révolutionnaires vont vraiment s'inscrire dans l'héritage des Lumières aussi sur un point qui est essentiel et qui explique pourquoi les révolutionnaires ont survalorisé l'amitié plus que l'amour précisément. C'est-à-dire que les traités des Lumières sur l'amitié, sur la nature des sentiments, n'ont pas arrêté d'insister sur le fait que l'amitié, c'était le sentiment par excellence qui permettait d'atteindre le bonheur. C'était un sentiment pondéré, calme, apaisant la relation avec les autres, là où l'amour est d'abord présenté comme un sentiment plein de fureur, de vertige, qui conduit à se mettre à l'écart du monde. Et pour les révolutionnaires, c'est un vrai problème, ça, l'amour comme vertige, comme fureur qui met à l'écart du monde, parce que ça met à l'écart de ses devoirs vis-à-vis de la cité. Alors que l'amour, précisément, l'amitié, pardon, excusez-moi, depuis Montaigne, depuis les traités des Lumières, on n'arrête pas d'insister sur ce côté apaisé et apaisant dans la relation à autrui, qui ne rend pas indisponible à la société, bien au contraire. Et c'est en accord parfait avec cette volonté des révolutionnaires, au moins jusqu'en 1794, d'essayer de fonder le monde nouveau sur la raison, mais sur ce que Sophie Vaniche appelle joliment, en empruntant une expression d'époque d'ailleurs, sur une raison sensible. Et une raison sensible faite d'harmonie pondérée, et l'amitié entre pleinement dans ce cadre-là pour les révolutionnaires, d'où leur surinvestissement de ce sentiment-là en particulier, plus que celui de l'amour, l'amour étant plutôt réservé à l'amour de la patrie, à la limite, il n'y a qu'à se référer à la Marseillaise, par exemple. Mais ça, c'est le cas sous la Révolution, Philippe Bourdin. Oui, et il y a là aussi une lecture des révolutionnaires d'une littérature classique à laquelle je faisais allusion précédemment, le De Amicitia de Cicéron, la politique d'Aristote, l'esprit des lois de Montesquieu, sont là pour les conforter dans ce que vient de décrire comme Simien. Mais il faut penser aussi qu'il y a une deuxième influence de tous ces hommes qui sont passés par les collèges religieux, c'est l'influence chrétienne. Or, cette influence chrétienne, elle est intéressante pour le sujet qui nous occupe, parce que la catéchèse est bouleversée au XVIIIe siècle lorsqu'elle définit les rapports du couple. La femme n'est plus la biche soumise telle qu'elle était décrite dans les traités du XVIIe siècle, mais elle est la compagne et l'amie de son conjoint. Alors c'est une réécriture intéressée de la catéchèse à l'heure où l'Église se plaint de la moindre fréquentation des lieux saints par les hommes, un moindre nombre de messalisants, de pascalisants, etc. Et donc l'idée de l'Église, c'est aussi de ramener l'homme à la religion par l'intermédiaire de son épouse, hein, d'où ce changement de paradigme. Karine Rance. Oui, je voudrais rebondir sur ce que disait Philippe Bourdin à l'instant. Effectivement, il y a au sein du couple une plus grande égalité au XVIIIe siècle. Et les femmes, lorsqu'elles ont une amitié féminine, n'hésitent pas aussi à inclure leurs époux dans le lien épistolaire. Ce que j'ai pu observer dans les correspondances que j'ai lues, je vois des femmes qui font lire leurs lettres à leur mari et vice-versa, et puis qui répondent parfois à la place de leur mari dans une correspondance qu'il aurait eu lui avec un ami qui lui est propre, ou l'homme répond à la place de la femme, par exemple, qui vient d'accoucher, qui n'est pas en état de répondre. Donc il n'y a pas une si grande différence, me semble-t-il, par rapport à ce que disait comme Simien tout à l'heure, il n'y a pas une si grande différence entre le lien amical et le lien amoureux dans le lien conjugal au sein du couple. Il y a là une issu de ce message chrétien, il y a l'idée qu'il faut être ami entre époux et donc aussi transparent, et donc se lire les correspondances amicales des uns et des autres et y participer. Ce qui étend aussi parfois ce lien amical, non seulement à la famille, mais à une parenté plus large. C'est-à-dire qu'on appartient à la famille quand on est ami d'un individu. Avec un autre élément à ajouter de tout ce que l'on a pu dire, c'est peut-être pour le XVIIIe siècle, la franc-maçonnerie. Noé maçon. Par ses esprits, restaurons-nous. Guide et doux, en maçon, honorons la table. Guide et doux, en maçon. La chanson du franc-maçon hors des loges, chanson anonyme du XVIIIe siècle, interprétée ici par Bernard Cotteret. Philippe Bourdin, c'est important la franc-maçonnerie pour essayer de comprendre, sous la Révolution française, les relations amicales? Oui, c'est essentiel, et c'est essentiel pour comprendre ce dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire le nom des clubs. On a retenu les Jacobins plutôt que les Amis de la Constitution, on a retenu les Cordeliers plutôt que les Amis de l'Égalité, mais tous ces noms-là, ce sont d'abord ceux des loges en réalité. Le nombre de loges qui se réclament de l'amitié dans leur intitulé, c'est assez impressionnant. Pensons aussi au symbole maçonnique qui valorise cette rencontre entre deux êtres et plus si affinité, les mains serrées, les cordes nouées, les faisceaux, tout ça renvoie à cette solidité de l'amitié qui fonde la franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie, pensons aussi aux gestes d'entraide entre francs-maçons, mais arrêtons-nous là aussi. Car la franc-maçonnerie, ce sont des divisions sociales reproduites à l'intérieur des loges. Hein, ne devient pas vénérable qui veut, c'est souvent quelqu'un qui, au sein de la société, a un rôle supérieur à celui de ses frères. Pensons aussi que dans les villes les plus importantes, il n'est pas une seule loge, mais plusieurs loges, avec chacune des spécialités professionnelles distinctes. Donc il n'y a pas effacement, pas plus que dans les salons classiques d'ailleurs, de la société d'Ancien Régime. Comme Simien. Oui, et Pierre-Yves Beaurepaire a très bien insisté sur cette importance de l'amitié pour les francs-maçons, pour les noms des loges, la loge de la parfaite amitié, la loge des amis réunis, tout ça c'est avant la Révolution. Et les maçons ont voulu, avant la Révolution, faire de l'amitié une sorte de ciment d'une société, la franc-maçonnerie, de frères non naturels, au fond. Il n'en reste pas moins que cette amitié, c'est une amitié choisie, c'est une amitié excluante aussi, d'abord qui ne retient que ceux qui sont admis au sein de la loge et pas les autres, effectivement, mais qui est une amitié excluante, et Pierre-Yves Beaurepaire le souligne très bien, vis-à-vis des femmes, vis-à-vis des juifs, vis-à-vis des libres de couleur dans les colonies. Donc c'est une amitié qui ne touche pas à l'universel néanmoins. L'ouvrage de Pierre-Yves Beaurepaire, c'est l'espace des francs-maçons, une sociabilité européenne au XVIIIe siècle, parce que l'on ne peut pas séparer la Révolution française de tout ce qu'il y avait avant ce XVIIIe siècle comme une évidence, parce que c'est ça qui permet de comprendre pourquoi, au moment de la Révolution, certains textes ont pu être écrits. Tout homme âgé de 21 ans est tenu de déclarer dans le temple quels sont ses amis. Cette déclaration doit être renouvelée tous les ans, pendant le mois de Ventose. Si un homme quitte un ami, il est tenu d'en expliquer les motifs devant le peuple dans les temples, sur l'appel d'un citoyen ou du plus vieux. S'il le refuse, il est banni. Les amis ne peuvent écrire leur engagement. Ils ne peuvent plaider entre eux. Les amis sont placés les uns près des autres dans les combats. Ceux qui sont restés unis toute leur vie sont renfermés dans le même tombeau. France Culture, le cours de l'histoire. Xavier Mauduit. Ah là là, j'ai dit on putait, j'ai fait une faute de liaison, on était tous d'accord pour dire que les liaisons dangereuses, c'est bien du XVIIIe siècle. J'en suis confus. Saint-Just qu'on vient d'entendre avec la voix de Daniel Königsberg. Alors c'est très intéressant, ces fragments d'institutions républicaines par Saint-Just. Vous savez, on a trouvé ça, comme Simien l'a trouvé dans le livre de Régine Lejean, « Amis ou ennemis, les amitiés médiévales ». C'est l'exergue de son ouvrage. Régine Lejean, une émission, le cours de l'histoire, vous pouvez réécouter avec profit sur l'appli franceculture.fr et l'appli Radio France. Et Régine Lejean, mais cette citation de Saint-Just en exergue de son ouvrage en disant « Saint-Just est héritier d'une longue tradition de l'amitié ». C'est quoi son inspiration quand il écrit ce texte ? Alors, effectivement, on le retrouve d'autant plus dans le livre de Régine Lejean que c'est sans doute le propos le plus fameux de la Révolution sur l'amitié, cet extrait des institutions républicaines de Saint-Just. Et c'est paradoxal parce que c'est aussi sans doute le propos de la Révolution sur l'amitié qui était le moins appelé à être connu, en ce sens où les institutions républicaines, d'où ce texte est extrait, c'est d'abord un brouillon. C'est d'abord un document de travail de Saint-Just sur lequel il couche un certain nombre d'idées, de réflexions personnelles, mais qui ne sont pas rédigées de façon achevé pour devenir un discours ou un décret ou une proposition ou un rapport à l'Assemblée. C'est d'abord un ensemble de réflexions et c'est d'abord un ensemble de réflexions qui sont rédigées au premier semestre 1794 par quelqu'un, Saint-Just, qui est un homme de pouvoir, qui est une des figures clés du comité de salut public à ce moment-là, député à la Convention nationale. Et Saint-Just est saisi par le doute à ce moment-là. Saint-Just se dit que comment on fait pour fonder la République vraiment, la faire vivre ensuite durablement une fois qu'on l'aura fondée. Et est-ce que on ne peut le faire que par les politiques d'exception, avec tout ce qu'elles peuvent avoir de violence, de contraintes, etc. Et Saint-Just cherche des issues à ces politiques d'exception et il en trouve dans l'amitié, qui va ériger au rang de ce qu'il appelle les institutions civiles, c'est-à-dire que pour Saint-Just, pour que la République puisse être fondée, pour qu'elle puisse durer ensuite, pour qu'elle puisse exister, il faut la faire appuyer pas seulement sur des institutions politiques, mais sur ce qu'il appelle des institutions civiles, c'est-à-dire, au fond, l'ensemble des liens qui lient librement les individus entre eux sur la base des sentiments. Et c'est ça, cette communauté des sentiments et des émotions qui, pour Saint-Just, doit permettre de faire citer. Cette idée-là, il va la chercher dans l'Antiquité, notamment, on a parlé d'Aristote, Platon avait également évoqué cette idée-là de la philia, l'amitié chez les Grecs, qui était un sentiment politique, avec cette idée que c'était une force de réunion, une force d'union permettant de faire une communauté par les sentiments qui étaient la cité contre les risques, c'est-à-dire la force du conflit et de la division. Et Saint-Just cherche cela dans un moment de guerre extérieure, de guerre civile, de violents affrontements entre les factions à la Convention nationale, dans le pays. Et donc, il va chercher l'amitié. Mais cette amitié, il faut remarquer, le passage est saisissant, parce qu'en même temps, il est extrêmement dur dans ses énoncés. C'est une amitié déclarée. C'est une amitié qu'on doit dire publiquement, devant la communauté locale. Ça veut dire qu'on rejoint là l'exigence qu'a évoquée Karine Rance tout à l'heure, de la transparence et de l'authenticité. Mais en déclarant publiquement son amitié, on comprend aussi à quel point c'est une amitié inquiète. Si on doit la déclarer publiquement, ça veut dire que la communauté est en état de contrôler l'amitié des autres. Et d'ailleurs, celui qui n'a pas d'amis sera banni, dit Saint-Just. Et on touche là au paradoxe de l'amitié, c'est-à-dire que jamais, sans doute, l'amitié n'a été placée aussi haut dans la théorie révolutionnaire qu'en 1793-94, qu'on appelle communément la terreur, comme un moyen d'essayer de résorber l'hostilité, la division. Mais en même temps, on le veut qu'elle soit publique et contrôlée, parce qu'au fond, on est inquiet. Et qu'il y a tellement de divisions qu'on craint toujours que derrière l'ami se cache le faux ami. Le faux ami ne peut être qu'un traître ou un ennemi en puissance. Et c'est comme ça que ce discours de l'amitié qui devait résorber l'hostilité finit en réalité par susciter de la peur et de l'angoisse supplémentaire. Est-ce que l'ami du jour n'est pas l'ennemi de demain? Et oui, parce que même si on est amis, il y a quand même la patrie à sauver, et ça, c'est ce qui peut primer Karine Rance. Oui, ce qu'on voit aussi avec le texte de Saint-Just, c'est que l'amitié, c'est à la fois une émotion et une institution sociale. Donc, elle est doublement ancrée dans l'histoire, à ce titre-là. Et à l'époque révolutionnaire, ce moment où, je le disais tout à l'heure, les émotions investissent le champ politique, c'est aussi le moment où le politique investit les liens intimes et cherche à légiférer donc sur l'amitié comme sur le lien conjugal, par exemple, avec le divorce et d'autres lois. Donc quand Saint-Just, lui, veut intervenir sur l'amitié par cette déclaration qui a valeur performative devant Garon, il dit, comme le soulignait comme Simien à l'instant, il dit sa volonté de faire communauté dans la cité autour de ce lien amical, mais c'est quelque chose qui se maintient. Sarah Horowitz l'avait montré pour l'époque de la Restauration, où là l'amitié a un lien qui est assez qui est similaire, c'est celle de lutter contre la fragmentation sociale, la fragmentation du moi aussi. Donc s'y ajoute là la nécessité, après toute cette période de changement, de bouleversements profonds, il y a une volonté de retrouver un lien social, mais aussi, donc dans le, là on a le romantisme qui commence à pointer, donc aussi recréer une entité du fort privé, une entité intime autour de ce lien amical. L'amitié, ça c'est une belle chose, mais qu'en est-il de la fraternité ? Le XVIIIe siècle a vu, comment dirais-je, un renouvellement des valeurs de la sensibilité et du cœur. N'oublions pas que c'est le XVIIIe siècle, et très précisément la fin du XVIIIe siècle et la Révolution française qui a inventé la fraternité. Et je crois que la fraternité se situe justement dans cette recherche pour l'élaboration de nouveaux rapports sociaux entre les hommes, des rapports qui seraient fondés sur les problèmes de relations de classe, de relations d'intérêt, mais aussi sur les problèmes de la sensibilité et du cœur. Et en ce sens, la notion de fraternité qui s'affirme à la fin du XVIIIe siècle avec la Révolution française est tout à fait dans la ligne de ce siècle, n'est-ce pas, qui, dès le début des années 20, avec l'abbé de Saint-Pierre, par exemple, avait inventé cette notion de philanthropie. Et ce même siècle, d'ailleurs, qui, à l'époque de la Révolution française, a élaboré, n'est-ce pas, au printemps 1794, ce qu'on appelle la loi de bienfaisance nationale. La loi de bienfaisance nationale, c'est dans une certaine mesure la réalisation concrète, n'est-ce pas, de ce devoir de fraternité entre les hommes. La fraternité est un devoir que chaque citoyen doit à son concitoyen. En ce sens, d'ailleurs, si le mot s'inscrit très précisément dans la devise républicaine, donc à partir de fin 92-1793, on peut dire malgré tout que la notion s'est affirmée dès 1789. C'est incroyable. Tant de gens qui devaient se haïr encore hier, les voici côte à côte pour célébrer le premier anniversaire de la Révolution. Ah oui, Lucie. Tout a changé. Nos façons de penser sont nouvelles. C'est le jour après la nuit. La fraternité. Enfin! C'était Albert Soboul, l'historien de la Révolution française qui s'exprime en 1973 et qui croise le film La Révolution française de Robert Enrico. C'est le couple des moulins là qu'on entend et qui se rend à la fête de la Fédération. Philippe Bourdin, on comprend bien, c'est facile quand il y a un roi, surtout de droit divin, on obéit parce que c'est le roi et en plus au-dessus c'est Dieu. Quand c'est plus le roi qui est là à partir de 1792, qu'est-ce qui peut faire l'union, l'amitié pourquoi pas et la fraternité? Quelle est la différence? Alors l'amitié à condition qu'elle ne prenne pas le tour paranoïaque dont on parlait précédemment, qui va justifier nombre d'épurations, et effectivement la fraternité. Alors cette fraternité qui ne sera véritablement associée à l'égalité et à la liberté qu'en 1848, elle pointe le bout de son nez, et comment effectivement, dès les années 1780, avec la fondation des grandes sociétés philanthropiques, la société philanthropique en 1780, les sociétés de bienfaisance maternelle et d'entraide judiciaire en 1780, 1787-1788, qui ont le mérite de réunir des gens extrêmement divers. Ça va des grands de la cour jusqu'à des procureurs de province, à des banquiers, etc. Avec l'idée, à une époque où l'on commence la statistique sur la mendicité, sur les problèmes alimentaires, qu'il faut pouvoir aider les défavorisés selon des clauses très différentes d'une société à l'autre. Passons là-dessus. Avec la Révolution française, il me semble que cette fraternité, si elle continue dans l'entraide au niveau des principales villes du pays et d'abord de Paris avec les ateliers de charité par exemple, cette fraternité prend un tour beaucoup plus universel. Il s'agit d'unir les peuples dans un espoir politique et social commun. Il y a nombre de textes, celui du baron Klotz et bien d'autres, pour exalter cette unité du genre humain. En quelque sorte. Et je pense que la grande différence avec l'amitié, quoiqu'elle ait tendance à s'atténuer comme on l'a vu précédemment, c'est cette publicité faite à la fraternité, tandis qu'il y a encore, jusqu'aux institutions républicaines de Saint-Just en tout cas, une intimité dans l'amitié. Là, c'est très proclamatif, la fraternité. Et en plus, c'est ce sentiment-là que l'on va exalter quand il va s'agir de fédérer ceux qui partent à la guerre, la fraternité pour la défense de la patrie. C'est une vertu morale, pourtant, peu utilisé dans les cahiers de doléances et qui va plutôt grossir au fur et à mesure des événements révolutionnaires. Ça n'empêche pas des fêtes de la fraternité qui se développent en 1793. Ça n'empêche pas non plus des gestes comme les baisers fraternels pour bien montrer que l'on s'entend sur un moment politique, le plus connu étant celui initié en juillet 1792 au sein de l'Assemblée nationale par l'évêque Lamourette pour faire en sorte que les déchirements de cette Assemblée soient un moment oublié. Ça ne sera qu'un moment fort bref d'ailleurs. Quel nom, Lamourette, en plus. Oui, ça tombait très bien. Évidemment. Comme Simien. Oui, sur les rapports entre l'amitié et la fraternité, la fraternité a longtemps fait un peu, obstacle à ce qu'on comprenne l'importance de l'amitié pendant la Révolution. L'amitié a sans doute été en réalité la grande affection pour les révolutionnaires pendant longtemps. Mais ce qu'il en est resté, nous, c'est une devise qui s'est stabilisée entre fin 18e et milieu 19e, liberté, égalité, fraternité. Et l'amitié s'est un peu effacée derrière la fraternité dans nos mémoires. Il n'en reste pas moins que dans les discours d'époque, en réalité, les deux termes voisinent constamment, c'est-à-dire qu'on se dit frère et ami chez les sans-culottes, on se jure une amitié fraternelle à la fête de la Fédération qu'il y a eu tout à l'heure en extrait sonore. Et donc, les deux termes sont constamment liés l'un à l'autre. Alors, on a pu dire à un moment que c'était, au fond, la même chose pour les révolutionnaires, l'amitié et la fraternité, que c'était simplement par effet de style, pour éviter les répétitions, qu'on disait tantôt amitié, tantôt fraternité. Il faut quand même en douter, d'abord, parce que les révolutionnaires sont très soucieux des mots de la politique. politique publie des dictionnaires sur les nouveaux mots de la politique, dès 1790 d'ailleurs, et ensuite parce qu'ils ont développé des réflexions spécifiques sur l'amitié, comme Saint-Just par exemple. Et je pense qu'on peut se situer du côté de la fête de la Fédération de l'été 90 et de toutes les fêtes locales et départementales qui l'ont préparée au cours du semestre précédent pour bien comprendre le rapport amitié-fraternité. À ce moment-là, la question politique primordiale qui se pose, c'est celle de faire la nation et de faire l'unité de cette nation qu'on dit une et indivisible et souveraine. Et comme l'a très bien rappelé notamment Mona Ouzouf, comment conçoit-on cette nation ? On la conçoit comme une famille de frères. Une famille de frères, mais une famille de frères non naturels. Et explique Mona Ouzouf, et je crois qu'on peut la suivre ici, cette nation qui est à faire, on l'envisage comme une association volontaire, c'est-à-dire sans contrainte, d'individus libres et égaux. Et cette association, eh bien, elle prend réalité politique par un acte fraternel qui est celui du serment. Mais dit Mona Ouzouf, c'est là que je la suis et qui ça permet de bien comprendre le lien amitié-fraternité. Cette association, elle est faite à l'amiable. Elle est faite à l'amiable, c'est-à-dire sans contrainte. Et l'amitié, il faut comprendre que pour les révolutionnaires, s'ils la surinvestissent, c'est qu'au fond, l'amitié, elle correspond à tous les grands idéaux pour lesquels ils ont engagé le combat révolutionnaire. L'amitié, c'est la liberté. C'est la liberté de choix, parce que c'est l'individu qu'on choisit pour son ami. L'amitié, c'est une égalité. Et ça, Cicéron l'avait déjà dit il y a longtemps dans l'Antiquité. Entre amis, on est à peu près égaux. Et puis, l'amitié, c'est une vertu, c'est-à-dire une façon de s'ouvrir aux autres. Et on comprend là l'association amitié-fraternité avec la fête de la Fédération. C'est-à-dire que la nation à faire est une association à l'amiable d'individus libres et égaux. Et au fond, c'est précisément l'amitié qui doit être la force qui doit permettre de réaliser cette association de frères non naturels. Et les révolutionnaires innovent pas complètement ici. C'est-à-dire que les francs-maçons avaient en plus petit parié exactement sur la même chose. C'est-à-dire l'amitié comme ciment d'une société de frères non naturels. Donc l'amitié, pour conclure, c'était le moyen de réaliser une société de frères. La fraternité, c'était le but à atteindre. Oui, d'accord. Distinguons amitié, fraternité. Karine Rance, vous êtes maîtresse de conférence en histoire contemporaine à l'Université Clermont-Auvergne. Alors, amitié, fraternité ? Oui, la fraternité, c'est aussi celle des frères. C'est le travail de Soramaza et Lynn Hunt qui avaient souligné cela. Les frères qui ont tué le père, qui l'ont mis à mort et qui créent à partir de là un lien d'égalité entre frères et non plus entre sujets et rois qui incarnent une figure paternelle. Mais en même temps, il faut garder à l'esprit que à l'époque révolutionnaire, tout le monde n'est pas révolutionnaire, qu'il y a aussi des contre-révolutionnaires plus ou moins marqués, et que eux n'adhèrent pas au principe d'égalité dans la société, et ils n'adhèrent pas non plus à ce nouveau modèle amical d'amitié. Il reste inscrit dans des liens d'amitié qui ont une forme beaucoup plus pyramidale, typique de l'ancien régime, avec des parfois des obligations de type financier, même comme la princesse Élisabeth, qui a des dames de compagnie. Elles se considèrent mutuellement comme des amies, mais la princesse Élisabeth, donc sœur du roi, verse une pension à ces deux femmes. Donc c'est un lien amical et en même temps un lien de dépendance financière qui est fort. Et ça, on va le retrouver à différents niveaux, entre des gens qui sont les obligés les uns des autres, dans une forme hiérarchique. Donc on a là le maintien d'une forme d'amitié qui n'est pas du tout forgée sur un modèle horizontal, et qui traduit, je crois, le refus de l'égalité révolutionnaire, et que l'on retrouve encore à l'époque de la Restauration. Karine Rance, vous avez raison d'évoquer qu'il n'y a pas que les révolutionnaires qui sont liés par l'amitié. Au moment de la Révolution française, il y a tous ces nobles émigrés qui sont obligés de se trouver de nouveaux amis. Mais c'est comme ça. Dites-nous, ici, nous avons quand même, Philippe Bourdin, une histoire qui s'écrit avec énormément d'amis. Je parle là de la narration de la Révolution française. Énormément de couples d'amis. Et alors, on les voit les uns les autres se souder. Ça, c'est quelque chose qui est intéressant parce que, par le regard de l'historien, de l'historienne, l'amitié en Révolution, cette étude que vous co-dirigez avec Comme-Simien, on met en parallèle le récit de la Révolution et puis l'analyse que l'on peut en faire. Oui, la manière intime dont la Révolution est vécue finalement par des hommes et des femmes qui se sont associés avant ou pendant l'événement. C'est une autre manière d'écrire finalement une décennie hein, que de voir ce qui se construit et ce qui se défait avec les hésitations intimes des uns et des autres, mais aussi des réseaux qui se constituent et qui peuvent durer extrêmement longtemps. Hein. Je cite l'amitié née entre la famille Rome, dont on parlait tout à l'heure, et la famille du conventionnel Meynier, qui va perdurer sous plusieurs régimes politiques et se construire aussi dans la clandestinité. Et ça, c'est une nouveauté de la Révolution française aussi. Une des contradictions, d'ailleurs, de celle-ci qui voudrait la transparence, mais qui est poussée pour une partie de ses promoteurs, et je pense aux républicains les plus engagés, à partir du Directoire et sous les régimes suivants, à construire l'idée républicaine et la lutte républicaine dans la clandestinité. Là aussi, ça change un petit peu la nature des amitiés et la manière de les vivre. Et puis parmi ces amitiés, il y en a des célèbres. Alors avant qu'elles tournent mal, lettre de Robespierre à Danton. Mon cher Danton, si dans les seuls malheurs qui puissent ébranler une âme telle que la tienne, la certitude d'avoir un ami tendre et dévoué peut t'offrir quelques consolations, je te la présente. Je t'aime plus que jamais et jusqu'à la mort. Dans ce moment, je suis toi-même. Ne ferme point ton cœur aux accents de l'amitié qui ressent toute ta peine. Pleurons ensemble nos amis. Et faisons bientôt ressentir les effets de notre douleur profonde tyran qui sont les auteurs de nos malheurs publics et de nos malheurs privés. Mon ami, je t'avais adressé ce langage de mon cœur dans la Belgique. J'aurais déjà été te voir si je n'avais respecté les premiers moments de ta juste affliction. Embrasse ton ami. Robespierre. Lettre de Robespierre à Danton en 1793, alors que Danton vient de perdre sa femme. Une des rares lettres, peut-être l'unique de Robespierre à Danton, qui est passée en vente et qui est en main privée, comme Simien. C'est vraiment très fort de voir ces amitiés intenses, c'est le cas Robespierre et Danton, avant que ça se termine mal. Et là, on est au-delà du déchirement. Enfin, c'est coupé en deux, quoi. Cette lettre est quasiment un an jour pour jour avant que Robespierre ne signe l'ordre d'arrestation de Danton. Alors Robespierre n'est évidemment pas le seul, ils sont 18 à signer l'ordre d'arrestation, c'est-à-dire les membres du comité de salut public et du comité de sûreté générale à la fin du mois de mars 94. Et cet ordre d'arrestation signé par Robespierre et les autres touche en ce qui concerne Robespierre un certain nombre d'individus qui ont été ses amis, c'est-à-dire Danton effectivement et sans doute de manière plus étroite encore Desmoulins qui sont là arrêtés, qui seront ensuite exécutés dans les jours qui suivent. Danton et Desmoulins qui, en assez peu de temps, en réalité, entre fin 93, surtout début 94, ont cessé d'être, on va dire, des amis politiques de Robespierre, alors qu'ils avaient été précédemment amis politiques et amis de cœur à bien des égards. Et Robespierre finit par consentir à ce sacrifice de ses anciens amis, qui, notamment sous la demande des autres membres, hein, d'autres membres du comité de salut public et du comité de sûreté générale, mais aussi pour préserver l'unité et l'autorité du gouvernement révolutionnaire qui semblait menacé par l'affrontement des factions entre les hébertistes d'un côté et les dantonistes de l'autre. Et c'est ce que Marisa Linton a appelé les fatal friendships, les amitiés qui tuent. Mais je crois qu'il faut aussi avoir en tête, et pour finir, sur le fait que ces amitiés-là, qui sont des amitiés sacrifiées, qui finissent dans la mort, elles sont devenues un peu aussi aveuglantes de toutes les autres amitiés qui ont pu exister pendant la Révolution, y compris chez des hommes politiques de premier plan, chez des députés de la Convention, et que chez des gens comme Prieur de la Marne, membre du comité de salut public au même moment, que chez des gens comme François Primaudière également, qui est député de la Convention au même moment, on peut être ami, on peut être montagnard et ami de député de la Plaine, on peut être député de la Plaine et ami de député montagnard, et que c'est ça aussi, vivre la Révolution, et c'est pour ça qu'on s'est intéressé à ce sujet dans ce livre, c'est qu'est-ce qu'une Révolution fait à la manière de se lier et de se délier des autres, et que c'est, voilà, important important de le comprendre pour comprendre que c'était aussi des hommes et des femmes qui faisaient la révolution et pas juste la puissance des idées. L'amitié en révolution 1789-1799, c'est l'ouvrage que vous avez co-dirigé, Philippe Bourdin, comme Simien, aux presses universitaires de Rennes. Merci à tous les trois, Philippe Bourdin, comme Simien. Merci aussi Karine Rance. Et puis, il y a ce numéro, hein, Émotion révolutionnaire, des annales historiques de la révolution française qu'il faut toujours lire. Hein, c'est en ligne, en plus, c'est absolument sensationnel pour les archives. Merci à tous les trois. Merci à vous. Merci. Il est temps de retrouver un ami. C'est Gérard Noiriel, le pourquoi du comment. Pourquoi Gambetta a-t-il voulu créer un ministère des arts? Au cours des années 1860, l'idée de réunir le beau et l'utile et de rendre l'industrie plus artistique commença à être soutenue à la fois par ceux qui défendaient des intérêts commerciaux et par ceux qui voulaient rendre le beau accessible à tous afin d'améliorer le goût public. L'avènement de la Troisième République donna davantage de force à ce mouvement, notamment grâce au soutien de journaux spécialisés comme la Revue des Arts Décoratifs. Au sein des élites républicaines, celui qui s'engagea le plus fermement dans ce projet de réforme artistique s'appelait Antonin Proust. Maire de Niort, puis député des Deux-Sèvres, ce républicain proche de Léon Gambetta, était aussi un amateur d'art. Il se fit connaître notamment par sa défense de l'impressionnisme. Gambetta, qui présidait la Chambre des députés depuis 1879, accéda à la présidence du Conseil en octobre 1881. Il put ainsi tenter de mettre en œuvre les réformes qu'il avait promises dans son programme. Le ministère des Arts en faisait partie, car Gambetta y voyait le prolongement esthétique d'une république prônant l'union des classes sociales, mais dans laquelle les chefs d'entreprise et les artistes devaient jouer un rôle prépondérant. Organisé autour de trois grandes missions, l'enseignement, la conservation, la décoration, la mise en place de ce ministère concrétisa le nouveau rôle artistique que devait jouer l'État républicain. Il s'agissait de refonder l'unité de l'art tout en respectant sa liberté. Mais très vite, les conditions qu'il avait rendues possibles se retournèrent contre ce ministère des arts. Étant donné que ses principaux services provenaient du ministère de l'Instruction publique, il subit les attaques de ceux qui se plaignaient d'avoir été dépouillés. Et comme le ministère des Arts était soutenu par le milieu des arts décoratifs et des artistes d'avant-garde, il fut d'emblée la cible des tenants de l'académisme, dont l'influence, bien que déclinante, restait forte dans les institutions artistiques. Enfin, ce ministère fut victime de la fronde des parlementaires contre un gouvernement qui était suspecté de les tenir à distance. Le ministère des Arts fut présenté comme un exemple de la politique autoritaire et étatiste impulsé par Gambetta. On reprocha à son gouvernement de s'immiscer dans des domaines, celui de l'art, mais aussi celui de l'industrie, qui appartenaient à l'initiative privée. Ce qui augmenterait des dépenses publiques que la Chambre ne pourrait pas contrôler, car elle serait sous la coupe des fonctionnaires du ministère. La conjugaison de ces mécontentements aboutit à la chute de Gambetta, remplacé par Freycinet. Inauguré le 14 novembre 1881, le ministère des Arts fut supprimé le 29 janvier 1882, après 2 mois et demi d'existence. Gambetta confia alors son amertume à Antonin Proust en lui disant « Vous avez été, mon cher ami, le premier ministre des Arts. Vous serez vraisemblablement le dernier. » Cette prédiction était un peu trop pessimiste, puisqu'en 1959, André Malraux prit la direction d'un ministère des Affaires culturelles qui marqua le retour de l'intervention étatique dans le monde des arts. Merci Gérard Noiriel. C'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Thomas Beau avec aujourd'hui à la technique Mélodie Hesman. Et merci aux équipes de France Bleu Pays d'Auvergne, à Clermont-Ferrand. L'émission Le cours de l'histoire a été préparée par Jeanne Copé, Jeanne Delecroix, Toscane Vudès, Mathieu Copal et Maïwenn Guizou. Ces émissions sont à écouter, à podcaster sur notre site franceculture.fr et l'appli Radio France.